الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم التاسع من شهر رجب من عام 1434. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous sommes le 19 mai 2013. بعد صلاة العصر. وندخل في الدرس الخامس بإذن الله تعالى من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله. On va entrer aujourd'hui, inshallah, dans le cinquième cours de l'étude du livre Les qualités sublimes du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Hier, on s'est arrêté dans le chapitre concernant la coiffure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. توقفنا في باب ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. Et on a lu certains hadiths. On a appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois laissait ses épouses le peigner, et parfois lui-même le faisait. On a appris aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite dans tout ce qu'il faisait, notamment les ablutions. كَانَ يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْوُضُوءِ. Quand il faisait les ablutions. فِي تَرَجُّلِهِ. Quand il se coiffait, alayhi salatu wa sallam, il commençait par le côté droit de sa tête, alayhi salatu wa sallam. وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلْ. Quand il mettait ses chaussures, il commençait par le pied droit. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté le même hadith avec une ziyada, avec un rajout, wa fi sha'nihi kulli, et dans tout ce qu'il faisait, alayhi salatu wa salam. Wa nahnu ra'ayna anna al-maqsoud bi sha'nihi kulli min al-umur al-karima. Et nous avons vu que ce qui est voulu par dans tout ce qu'il faisait, c'est les choses bonne et pure et propre. أما عند الأمور التي ليست كريمة كالتنظيف وغيرها أو غيره فإنه كان يستعمل الشمال عليه الصلاة والسلام. Quant aux choses impures, comme le fait de se purifier, et il utilisait la gauche, comme quand il accomplissait ses besoins, عليه الصلاة والسلام. Le hadith d'aujourd'hui, inshallah, عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المؤمنين أن يترجلوا ويتمشطوا كل يوم على وجه الاستمرار. كان ينهى عن ذلك إلا غبا، يعني أحيانا يوم يترجل ويوم آخر لا يترجل واليوم الثالث يترجل وهكذا. Donc ce hadith, le compagnon Abdullah ibn Mughaffal رضي الله عنه nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a défendu de se peigner en permanence. C'est-à-dire que il nous a interdit de passer notre temps à se coiffer. Car on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana mutawassitan fi jami' al-umur, était de juste milieu dans tout ce qu'il faisait. Et parmi les choses dans lesquelles il était dans le juste milieu, le fait de se coiffer alayhi salatu wa sallam. On a vu au début de ce chapitre que il nous a enseigné qu'il ne faut pas se laisser aller comme certains le pensent et ne jamais se coiffer, et il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême qui est que la personne passe son temps à se coiffer. Au contraire, des fois la personne se coiffe, s'embellit, et des fois elle laisse ses cheveux normalement. Elle les laisse comme ils sont. Sauf que si ses cheveux s'en mêlent les uns dans les autres et que cela forme une mauvaise apparence sur la personne, à ce moment-là, la personne, il lui est demandé de s'arranger. Comme on a vu le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti visiter les sahaba dans la maison de Jabir ibn Samura radiyallahu anhu ou Jabir ibn Abdillah. Et quand il est rentré chez eux, il a vu un homme qui était complètement décoiffé. Faqal, il a dit, Ama yajidu hadha ma'an yusakkinu bihi sha'ra. Celui-ci n'a-t-il pas trouvé un peu d'eau pour arranger ses cheveux? Ensuite, il a regardé et il a vu une autre personne avec les vêtements sales. Et il a dit, Ama kana yajidu hadha ma'an yarsilu bihi thawba. Et celui-là n'a-t-il pas trouvé de l'eau pour nettoyer son vêtement? Donc, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous apprend qu'on doit être propre. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit passer notre temps devant le miroir comme le font beaucoup de gens, malheureusement. Et c'est pour ça qu'ici, le compagnon nous rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de se coiffer en permanence. C'est-à-dire tout le temps, chaque instant, de prendre soin de ses cheveux sans arrêt. Ce n'est pas de la guidée du prophète, alayhi salatu wa salam. Une question se pose. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi interdit aux femmes de se coiffer en permanence? هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الترجل كذلك إلا غبا يعني إلا أحيانا؟ الجواب لا. المخاطبون بهذا هم الرجال. Ceux qui sont pris en compte par cet ordre sont les hommes. Quant aux femmes, المرأة مطالبة بأن تتزين لزوجها. Il est demandé à la femme de s'embellir, de s'embellir pour son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la femme pieuse, التي إذا نظرت إليها سرتك. Celle qui, lorsque tu la regardes, elle te rend heureux. Et les savants ont tiré de ce hadith qu'elle rend son mari heureux parce qu'elle s'embellit. Elle s'embellit, elle prend soin d'elle. Donc les femmes ne sont pas concernées par cet ordre qui est cité dans la parole de Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu. Une autre question se pose. Et c'est une question qui est posée par beaucoup de gens. هل إطالة الشعر من السنة? Est-ce que le fait de laisser ses cheveux s'allonger, les laisser pousser, fait partie de la sunna? نحن رأينا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في شعره الجمة والجمة هو الشعر الذي يضرب المنكبين. Nous avons vu à travers ces hadiths qu'à la base le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait pousser ses cheveux jusqu'aux épaules. Et cette coupe de cheveux en arabe s'appelle al-jumma. Est-ce que cela veut dire que ça fait partie de la sunna de laisser pousser ses cheveux jusqu'aux épaules ou non? Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah dit que cela ne veut pas dire que ça fait partie de la sunna de laisser pousser les cheveux jusqu'aux épaules. Ensuite, il dit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça à son époque, car les gens, le milieu dans lequel il vivait, les gens qui étaient dans ce milieu avaient cette coupe. C'était une chose connue. كَانَ هَذَا مِنْ عَدَةِ الْقَوْمِ وَمِنَ الْعُرْفِ عِنْدَهُمْ. Une chose connue, une chose connue parmi les habitudes de ce peuple. لكن إذا كنا في قوم ليس هذا من عاداتهم. Et si on se retrouve dans un peuple où cela ne fait pas partie de ses coutumes ou de ses habitudes, ce n'est pas demandé de le faire. Puis le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a cité la réponse de Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. فقد سئل عن هذا هل إطالة الشعر من السنة أم لا. Le Cheikh a été interrogé concernant les cheveux. Est-ce que le fait de les laisser pousser et de laisser s'allonger fait partie de la sunna ou pas? قال رحمه الله. Le Cheikh a dit لا الجواب لا ليس من السنة. La réponse non, cela ne fait pas partie de la sunna. Pourquoi? لماذا? قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث إن الناس في ذلك الوقت يتخذونه. car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette coupe, car le milieu dans lequel il vivait, les gens qui étaient dans ce milieu laissaient cette coupe de cheveux. Il dit: ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله او اتركه كله ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال ابقيه. وفي هذا فقه هذا الشيخ وفهمه السديد. Et on voit la bonne compréhension de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah qui dit: la preuve en est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jeune garçon qui s'était rasé une partie de la tête, un dégradé comme on appelle ça en français, il s'était rasé une partie de la tête, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à ce jeune: rase toute ta tête ou laisse pousser tous les cheveux. Cheikh Al-Uthaymin dit: si cela faisait partie de la sunna de les laisser pousser, il ne lui aurait pas dit rase toute ta tête ou laisse pousser les cheveux, il lui aurait dit laisse pousser tes cheveux. Ce qui montre que ce n'est pas de la sunna de le faire. Il dit: فعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah conclut en disant: à partir de là, nous disons que laisser pousser et allonger les cheveux ne fait pas partie de la sunna. لكن إن كان الناس يعتادونه ذلك فليفعل. Mais s'il est dans un milieu où les gens le font, alors qu'il le fasse. Pourquoi? لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم مخالفة القوم الذي يعيش معهم إلا إذا كانوا في معصية. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a enseigné de ne pas se différencier des gens dans les vêtements et dans l'apparence, les gens avec lesquels on vit, c'est-à-dire parmi les musulmans. Lorsque tu vis dans un pays parmi les pays des musulmans, il est demandé religieusement que tu aies à peu près les mêmes vêtements qu'eux et la même tenue que les gens. Et tu ne dois pas te différencier du peuple duquel tu vis s'ils sont musulmans et si leurs habits sont respectent les règles religieuses, à savoir ils ne sont pas des vêtements entièrement rouges, ou ils ne sont pas serrés ou transparents de sorte qu'on ne voit pas la awra, ou bien pour les hommes qu'ils ne tombent pas au-dessus des chevilles. Et si toutes ces conditions sont respectées, il est demandé aux musulmans, quand ils se trouvent avec des musulmans, de ne pas se différencier d'eux. C'est pour ça que le Cheikh rahimahullah ici dit que s'il est avec des gens qui ont l'habitude de le faire, il n'y a pas de mal à ce qu'il le fasse. Et le Cheikh Abdelrazak hafidahullah al-Abbad dit: al-amru fi hadha wasi'. L'affaire est vaste. Celui qui veut laisser pousser, tant qu'il ne croit pas que c'est une sunnah, il n'y a pas de problème à ce qu'il le fasse. Et celui qui ne veut pas le laisser, qu'il le fasse aussi, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas croire que c'est une sunnah de le faire, car ce n'est pas une sunnah, comme le Cheikh nous l'a dit. Le Cheikh Abdelrazak hafidahullah dit aussi: walakin yanbaghi at-tanbih. Mais il faut attirer l'attention ala amr muhim, sur une question très importante. Ala wa huwa adamu at-tashabbuh sawa'un bil kuffar aw bin nisa. Qu'il est interdit de ressembler aux kuffars ou aux femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Celui qui cherche à ressembler à un peuple en fera partie. Et il dit aussi: la'ana Allah al-mutashabbihin min ar-rijali bin nisa. Qu'Allah maudisse les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes. Donc à partir de là, si la personne qui laisse pousser ses cheveux, elle les laisse pousser d'une façon où elle va ressembler avec sa coupe aux kuffars ou bien aux femmes, alors là ça lui est interdit. Là ça lui sera interdit. Et malheureusement aujourd'hui, on trouve beaucoup de gens qui laissent pousser leurs cheveux et qui utilisent des produits pour les faire briller jusqu'à ressembler à des femmes. Et certains même, malheureusement, utilisent des produits sur leur visage pour faire briller leur visage. Et même peut-être qu'ils prennent les produits de leur sœur dans la salle de bain. Et à la fin, quand il sort, entre lui et sa sœur, il n'y a aucune différence. Ma'al asaf. Malheureusement. Hada ma yata'allaqu bi tarajjul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce qui est cité concernant la coiffure du prophète alayhi salatu wa salam. Le chapitre suivant, Bab al-Wahwa al-Bab al-Khamis, ma ja'a fi shaybi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre concernant les cheveux blancs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit qu'on a trois chapitres concernant les cheveux. Le premier, le chapitre dans lequel on nous décrit les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam. Le deuxième, le chapitre dans lequel on nous décrit la coiffure du prophète alayhi salatu wassalam. Et le troisième, celui dans lequel on nous décrit les cheveux blancs et les poils blancs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الباب متعلق بصفته الخلقية فلا نزال نتكلم عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية. Ce chapitre est toujours en relation avec la description physique du prophète عليه الصلاة والسلام. والشيب هو تحول لون الشعر من السواد إلى البياض. Ce qu'on appelle al-shayb dans la langue arabe, c'est le changement de la couleur des cheveux. C'est-à-dire que les cheveux vont passer de leur couleur initiale, à savoir le cheveu noir ou bien blond ou bien roux, vers la couleur blanche, al-shayb. Et on va voir dans ce hadith plusieurs choses concernant les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-maqsoud min hadha al-bab, ce qui est voulu par ce chapitre, هل وجد فيه شعر أبيض؟ A-t-il eu des cheveux blancs عليه الصلاة والسلام؟ وإن وجد فما مقداره؟ Et s'il a eu des cheveux blancs, combien il en a eu, à quel point il en a eu عليه الصلاة والسلام؟ Car nous allons voir que les compagnons nous ont donné le nombre exact de cheveux blancs du prophète صلى الله عليه وسلم. كان شيبه عليه الصلاة والسلام يسيرا. Nous allons voir que les poils blancs du prophète عليه الصلاة والسلام étaient très peu. Il n'en avait pas beaucoup عليه الصلاة والسلام. Et certains compagnons les ont comptés. بعض الصحابة عدوا شعر النبي عليه الصلاة والسلام البيضاء أو الأبيض. Ils ont compté les cheveux blancs du prophète صلى الله عليه وسلم. وقالوا بأن شيبه عليه الصلاة والسلام كان في ثلاثة مواضع. Ils ont dit que les poils blancs du prophète صلى الله عليه وسلم se trouvaient dans trois endroits. Le premier, الموضع الأول, ما يقال عنه العنفقة. العنفقة هو الشعر النابت بين الشفة السفلى والذقن. هذا اسمه عنفقة في اللغة العربية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des poils blancs dans ce qui est appelé en arabe al-anfaqa, le nom que l'on donne pour les poils qui poussent entre la lèvre inférieure et le menton, c'est-à-dire ici sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, كان له شيب في صدغيه. والصدغ هو الاسم هو الشعر الذي ينبت بين العين والأذن هنا فكان له شيب في هذا الموضع وهذا الموضع في اللغة العربية يسمى الصدغ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux qui poussaient sur ce qui est appelé en arabe al-sudr, c'est-à-dire la tempe. La tempe, c'est l'endroit qui est au milieu de là, entre l'œil et l'oreille, ici la tempe. Il avait certains cheveux blancs ici alayhi salatu wassalam. Troisièmement, firras, sur la tête sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dalil ala dhalik ma rawahu al-imam Muslim an Anas ibn Malik radiyallahu anhu. La preuve en est ce que nous rapporte Anas ibn Malik. Il nous dit radiyallahu anhu, ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ نبذ يسير. Anas ibn Malik nous dit, le prophète صلى الله عليه وسلم ne se teignait pas les cheveux, il n'avait des poils blancs que sur la anfaqa, ici, la tempe et la tête, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à travers ce hadith-là, à travers ce chapitre-là, nous allons parler des cheveux blancs du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. الحديث الأول عن قتادة رحمه الله قال قلت لأنس ابن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود بهل خضب الخضاب هو تغيير الشيب إلى الأحمر أو الأسود إلى غير ذلك تغيير لون الشعر قال لم يبلغ ذلك أي ما كان يحتاج إلى ذلك لقلة شعره الأبيض عليه الصلاة والسلام إنما كان شيبا في صبغيه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم والحناء هو ما يستعمل لتغيير اللون إلى الأحمر والكتم إلى الأسود. Donc Anas ibn Malik رضي الله عنه, il y a le compagnon, le tabi'i Qatada رحمه الله qui dit: j'ai demandé à Anas ibn Malik رضي الله عنه si le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم se teignait, est-ce qu'il changeait la couleur de ses cheveux ou pas? Est-ce qu'il utilisait la teinture? Alayhi salatu wassalam. Anas lui répondit, il n'est pas arrivé à cela. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il n'a pas eu besoin de le faire puisque ses cheveux n'étaient pas tous blancs. Il n'avait que très peu de cheveux blancs. Donc il n'est pas arrivé au stade où il aura besoin d'utiliser la teinture. C'est clair, inshallah. Donc Qatada lui demande, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la teinture pour changer la couleur de ses cheveux? Anas lui dit, il n'avait pas besoin de le faire, il n'était pas arrivé à un stade où il fallait changer la couleur de ses cheveux, car il n'avait que très peu de cheveux blancs sallallahu alayhi wa sallam. Anas dit, il en avait seulement un peu aux tempes. Les tempes, c'est ce qu'on appelle en arabe as-sidr ou as-sudr, et c'est l'endroit qu'il y a entre l'œil et l'oreille, entre l'œil et l'oreille. Par contre, il dit, Abu Bakr radiyallahu anhu a teint ses cheveux avec du henna, du henné et du katam. Et al-henna ou al-katam, le henné et le katam sont deux plantes qui sont utilisées pour la teinture. Al-henna, c'est des choses que vous connaissez tous. Ça sert à changer la couleur des cheveux vers le rouge. Et le katam, ça sert à changer la couleur vers le brun. Donc c'était des produits qui étaient utilisés par les sahaba radiyallahu anhum. Et il y a une version authentique de ce hadith عند مسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا. Anas nous dit, dans la version que l'imam Muslim nous rapporte, il dit que Abu Bakr radiyallahu an utilisait la teinture avec al-hinna et al-katam, c'est-à-dire qu'il mélangeait. كان يغير لون شعره رضي الله عنه وهو يستعمل هاتين المادتين الحناء والكتم. الكتم, il utilisait pour changer la couleur de ses cheveux, radiyallahu anhu, le henné et le katam. Donc le rouge et le noir. Et ça donnait une couleur qui penchait vers le marron. Yamil ila al-bouni. Vers la couleur marron. Et quant à Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il n'utilisait que al-hinna. C'est-à-dire qu'il changeait la couleur vers le roux, vers le rouge. Radiyallahu anhu. وإلا فإن تغيير اللون إلى الأسود الخالص لا يجوز لون الشعر. Le fait de teindre les cheveux pour leur donner une couleur noire est interdit en islam. Il est permis de se teindre les cheveux mais pas de la couleur noire. Et ici, Abu Bakr utilise le henna ou le katam. Il mélangeait les deux. Et ça donnait à la fin une couleur qui n'était pas la couleur noire. Radiallahu anhu. ولكن سنرى أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا هل اختضب النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ Mais plus loin, nous allons voir que les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام eux-mêmes ont divergé. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a utilisé la teinture ou pas? Et nous allons voir plusieurs paroles dans les hadiths qui vont venir, inshaAllah ta'ala. أما أنس بن مالك قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الخضاب أي لم ما غير لون شعره عليه الصلاة والسلام قال أنس بن مالك son avis c'est de dire que le prophète صلى الله عليه وسلم n'utilisait pas la teinture, il ne se teignait pas les cheveux عليه الصلاة والسلام كما نرى في هذا الحديث comme on voit ici. Qatada lui dit, هل خضب رسول الله هل بدل لون شعره? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait? Il répond, قال لم يبلغ ذلك. Il n'a pas atteint ce stade. Il n'a pas eu besoin de se teindre puisque ses cheveux blancs n'étaient que très peu. Donc ici, Anas nous dit qu'il ne s'est pas teint les cheveux sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, والحديث التالي وهو حديث أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء سبحان الله. أنس بن مالك نجي Je n'ai compté sur la tête et la barbe de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que 14 cheveux et poils blancs. ماذا نستفيد من هذا? Qu'est-ce que tu tires de cette information? Qu'est-ce que tu tires de ça? Hein? Sahaba radiallahu anhum, يعني, les compagnons regardaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point où il comptait les poils blancs de sa tête et de sa barbe. يعني, comment faire, subhanallah? هذا لشدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. Cela nous montre le grand amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الحديث يوافق الحديث الأول من هذا الكتاب. Et ce hadith-là est en accord avec le premier hadith de ce livre. Mahwa, quel est ce hadith? Naam. Anas ibn Malik nous dit, wa hadha fi al-hadith al-awwal min hadha al-kitab, qala Anas ibn Malik, wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sha'ratan bayda. Anas ibn Malik nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et il n'avait pas, quand il est mort, plus de 20 poils blancs sur sa tête et sur sa barbe. Al-maqsoudu bi ra'si sha'ri, ay sha'r ra'si. Et quand on dit sa tête, on parle des cheveux de la tête. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il n'avait pas sur sa tête et sa barbe 20 poils blancs. Ici, il nous dit bit-taqrib, à peu près. Amma huna bid-dabt. Quant à ici, avec précision, il nous dit 14. 14 poils blancs, sallallahu alayhi wa sallam. وهذا نستفيد منها من هذا أن شيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يسيرا. Et on tire de, comme leçon ici, que les poils blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient, ils n'étaient pas nombreux. Il n'en avait pas beaucoup, alayhi الصلاة والسلام. الحديث التالي, le hadith suivant. عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سامرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. Ici on va avoir une autre information concernant les poils blancs du prophète sallallahu alayhi وسلم. سماك بن حرب التابعي dit, j'ai entendu Jabir ibn Samura, qui est un compagnon sahabi, qui a été interrogé, qui a répondu à une question sur les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un lui a demandé comment étaient les cheveux blancs, les poils blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jabir ibn Samura a répondu à cette personne qui lui a posé la question: lorsqu'il pommadait ses cheveux, il ne paraissait pas avoir de cheveux blancs. Lorsqu'il ne se pommadait pas, on en voyait quelques-uns. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدهن لحيته وشعره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait une sorte de pommade huileuse, une sorte d'huile, avec laquelle il, plutôt qu'il passait sur les poils de sa barbe et ceux de sa tête. Alayhi salatu wassalam. Et quand il le faisait, on ne voyait plus ses poils blancs. Alayhi salatu wassalam. Et à partir de là, certains savants ont dit: wa min huna qala ba'd ahli al-'ilm anna an-nabiy inna an-nabiy alayhi salatu wassalam lam yahtadib wa inna ma kana yadhanu ra'sahu wa idha dahan asbaha shaybuhu la yura. Wa lidhalika qala ba'd الصحابة أنه كان يخضب. C'est pour ça que certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se teignait pas les cheveux. Mais la raison pour laquelle parfois on ne voyait plus ses cheveux blancs, c'est qu'il se pommadait les cheveux. Il passait un produit huileux sur sa tête et sa barbe. Et quand il passait ce produit sur ses poils, on ne voyait plus la blancheur de du peu de poils blancs qu'il avait. Alayhi salatu wa salam. Donc certains ont dit que en fait il ne s'est pas teint les cheveux, et ils disent, donc ces savants là disent, que ceux parmi les compagnons qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa salam se teignait les cheveux, en fait ils parlaient du fait qu'il se pommadait les cheveux, donc il ne se teignait pas les cheveux sallallahu alayhi wa salam, que ce soit avec al-hinna ou avec al-katam, la couleur rouge, ou avec la couleur brune. عليه الصلاة والسلام. Et donc, on vient de voir la parole de certains savants. رضي الله رحمهم الله تعالى. Donc, nous allons voir un autre hadith. Le hadith suivant, selon عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. Ici, Abdullah ibn Umar radiyallahu an va nous donner une information qui ressemble à celle de Anas ibn Malik radiyallahu an. Il nous dit dans le 35e hadith: les cheveux blancs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient au nombre d'environ une vingtaine. Donc on tourne autour d'une vingtaine. On tourne autour d'une vingtaine. Et on a vu que Anas ibn Malik nous a dit particulièrement 14. Ici, Abdullah ibn Umar radiyallahu an يوافق Anas ibn Malik في الحديث الأول. Abdullah ibn Umar est en accord avec ce que nous a donné comme information Anas ibn Malik dans le premier hadith. Le premier hadith du kitab. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Quand il nous dit qu'il n'y a pas sur sa tête et sa barbe 20 poils blancs. La même chose ici qui nous est dit par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Le hadith suivant, an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala Abu Bakr: ya Rasulallah qad shibta, ay ya Rasulallah asbaha لون شعرك أبيض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. الله أكبر. سترون عندما سندرس هذا الحديث, on va étudier ce hadith là, on va sortir avec beaucoup de leçons inshallah ta'ala. Ici Abdullah ibn Abbas وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, tes cheveux ont blanchi. Donc Abu Bakr s'étonne parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a les cheveux noirs, n'a pas de cheveux blancs. Et un jour Abu Bakr a vu ses cheveux et il a vu des cheveux blancs. Il a dit: ya Rasulallah, shibt, qad shibt, ô messager d'Allah, tes cheveux ont blanchi. Malladhi shayyabahu, quelle est la chose qui a blanchi ses cheveux alayhi salatu wassalam? Quelle est la chose qui a fait que ses cheveux sont devenus blancs? Qala alayhi salatu wassalam, shayyabatni hud, yani surat hud, wa surat al-waqi'ah, wa al-mursalat, wa amma yatasa'alun, wa idha shamsu kuwirat, yani bisabab al-ham, wa bisabab, yani ta'thir hadhihi suwar, asbaha al-Nabi alayhi salatu wassalam fihi shay. Limada? لأن هذه السورة كلها تتكلم عن أهوال يوم القيامة، فكان عليه الصلاة والسلام يخاف وكان له شدة خوف، فلما خاف من أهوال يوم القيامة جاءه الشيء صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu à Abu Bakr. Il lui dit: هود الواقعة المرسلات عما يتساءلون إذا الشمس كورت. On fait blanchir mes cheveux, lui répondit-il. Subhanallah. Quelle est la chose qui a fait blanchir les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam? La méditation du Coran. Particulièrement ces sourates-là. Les noms que l'on vient de lire sont des noms de sourates du Coran, des sourates. Pourquoi elles ont fait blanchir les cheveux du prophète alayhi salatu wassalam? Parce que dedans, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des terreurs qui se produiront au yawm al-qiyam. Il nous parle des scènes qui arriveront le jour de la résurrection. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Le jour où les gens se tiendront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَنْقَسِمُونَ إِلَى قِسْمَيْنِ أَهْلِ السَّعَادَ وَأَهْلِ الشَّقَاوَةِ. Ils se diviseront en deux, les gens bienheureux et les gens malheureux. Et dedans, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de l'enfer. Il nous parle du paradis. Il nous parle du jugement. سبحانه وتعالى. ولما كان عليه الصلاة والسلام يتدبر القرآن أثر فيه حتى جاء الشيء في رأسه ولحيته. Et donc ici on apprend la raison pour laquelle il a eu des cheveux blancs. Vous savez c'est quoi? C'est la méditation du Coran, particulièrement la méditation de ces passages du Coran dans lesquels Allah Azza wa Jal fait référence à ce qui se passera le jour du jugement dernier, les scènes terribles et atroces qui vont avoir lieu quand on va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min huna nastafid ahammiyata tadabbur al-Qur'an. Et à partir de là, on tire une leçon qui est l'importance de méditer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'ana liyutadabbar. Allah a fait descendre le Coran pour qu'il soit médité. Qala ta'ala: كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. C'est un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni, afin que ses versets soient médités et que les gens doués de raison se rappellent. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تدبر القرآن. Et on demande à Allah par ses noms et ses attributs les plus beaux et parfaits qui nous donne la méditation du Coran. Donc, ici on voit l'effet que la méditation du Coran peut avoir sur une personne. Et le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, hafidhahullah, dit que celui qui médite le Coran, tadabbur al-Quran la ya'ti illa bil khayr fil insan. تدبر القرآن يصلح الإنسان ويصلح قلبه ويصلح حياته وأعماله. La méditation du Coran corrige la personne dans sa vie, corrige son cœur, corrige ses actions, elle corrige tout. اللهم وفقنا لتدبر القرآن. Qu'Allah nous aide à méditer son livre سبحانه وتعالى. خلاف ما يكون عليه أكثر الناس مع الأسف يأتيهم الشيء بسبب الدنيا بسبب المال Regardez la situation du prophète alayhi salatu wassalam et regardez celle de la plupart des gens qui ont eu des cheveux blancs à cause des soucis de ce bas monde, à cause des soucis de dunya, de l'argent et du travail, courir derrière dunya, courir derrière ce bas monde. Yajri ahaduhum wara ad-dunya jarayan al-kalb wal 'iyadu billah. L'un d'entre eux court derrière la dunya comme le chien qui court derrière sa proie. Wal 'iyadu billah. Fa hatta ba'd an-nas asabahum al-marad al-shadid bisabab ham ad-dunya, subhanallah. À un point où certaines personnes sont tombées malades et ont eu des grandes maladies à cause de cette dunya. Quand tu lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es tombé malade? Il te dit, j'ai trop de problèmes. هل تدبر القرآن هو الذي أدى بك إلى هذا؟ Est-ce que c'est la méditation du Coran qui t'a rendu comme ça? كان بعض السلف يموت إذا تدبر القرآن. Certains des pieux prédécesseurs mouraient quand ils entendaient le Coran. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي يوما ما. Un jour, Omar ibn Khattab, yusalli bin nas. Il prie devant les gens. Wa yaqra surat al-tur. Et il récite surat al-tur. Wa lamma wasala ila qawlihi tabaraka wa ta'ala, inna azaba rabbika la waqi' ayya hasil la ahad yadfa'uhu, saqata wa marida muddata 40 yawman. Subhanallah. Omar ibn Khattab a récité ce verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: le châtiment de ton Seigneur est inéluctable, inévitable, il va arriver, personne ne pourra le repousser. Il est tombé par terre et il est tombé malade pendant 40 jours. Il était dans le lit, il n'arrivait plus à se lever. Radiyallahu an. Fa al-insan al-muslim yatadabbar al-Qur'an. Le musulman, il doit méditer le Qur'an et il doit le comprendre. Il doit le comprendre et le mettre en pratique. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse méditer le Coran. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله أن لا يجعل الدنيا أكبر همه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah tabaraka wa ta'ala et il lui demandait de ne pas faire de ce bas monde son plus grand souci. Laysa ma'na hadha tatruk ad-dunya bil kulliyah. La. Allah qala fil Quran wa la tansa nasibaka min ad-dunya. On n'est pas ici en train de dire reste assis chez toi et abandonne tout, ne fais plus rien de ce bas monde. Ce n'est pas ça qui est voulu. La yaqulu hadha illa majnun. Seule une personne folle dit une telle parole. Lakin al-maqsoud أن همك الأول والأكبر الدار الآخرة والدنيا بعد هذا تأخذ منها نصيبك. Tu prends ta part de ce bas monde, mais ton plus grand souci c'est l'au-delà. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول, le prophète disait dans ses invocations, اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. Il disait, oh Allah, ne fais pas de ce bas monde notre plus grand souci. Notre plus grand souci. لأن من كانت الدنيا أكبر همه ابتلاه الله عز وجل بأنواع البلاء والعياذ بالله. Car celui qui fera de ce bas monde son plus grand souci sera éprouvé par Allah تبارك وتعالى par plusieurs sortes d'épreuves. نسأل الله السلامة والعافية. Qu'Allah تبارك وتعالى nous en préserve. Le hadith suivant, عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله, يعني الصحابة, قالوا يا رسول الله نراك قد شبت, قال شيبتني هود وأخواتها. فالحديث معناه واحد. Ici le hadith a le même sens. Il est rapporté par Abu Juhayfa, un autre compagnon رضي الله عنه, mais il n'a pas le sens, c'est le même. Les compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, ils lui dirent, ô messager d'Allah, nous voyons que tes cheveux blanchissent. Et ici, on sait qu'il n'avait que combien de poils blancs? À peu près 14. Et malgré ça, les sahaba ont remarqué. Ils ont remarqué, ils ont cherché à savoir pourquoi. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam a des soucis? Est-ce qu'il pense hal huwa mahmoum? Hal huwa yani yufakkiru fi shay? Est-ce qu'il pense à quelque chose? Est-ce qu'il a un problème? Ya Rasulallah, innaka naraka qad shibta masajid Allah. Nous avons vu, nous voyons que tes cheveux blanchissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Uhud, et ces sourates sœurs ont fait blanchir mes cheveux. C'est-à-dire Uhud, la sourate, dans, lisez sourate Uhud et vous comprendrez inshallah. Sourate Uhud, Allah azza wa jalla nous parle du paradis de l'enfer. Il nous parle des bienheureux et des malheureux. Et les sourates semblables, toutes les sourates qui ressemblent à Uhud, les sourates qui parlent de Nar et qui parlent de Jannah, ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam des cheveux blancs. Alayhi salatu wa salam. فمعناه نفس معنى الحديث السابق. Donc le sens de ce hadith est le même que le sens du hadith précédent. الحديث التالي, le hadith suivant. عن أبي رمثة التيمي تيم الرباب رضي الله عنه. Donc un compagnon qui s'appelle Abu Rimtha رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة, أول مرة يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. Ce compagnon Abu Rimtha nous raconte la première fois qu'il est venu voir le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et donc il nous dit, je me rendis auprès du prophète صلى الله عليه وسلم que je montrais à mon fils avec moi. C'est-à-dire qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a pris avec lui son fils. Et c'était la première fois qu'il l'a vu, alayhi salatu wa salam. Et la chose, une leçon qu'on peut tirer ici, مما نستفيد من هذه الفقرة وهذا الجزء من الحديث, أنه ينبغي للمسلم أن يصحب معه ولده في المجالس الطيبة, في مجالس الذكر والعلم. لأن هذا الصحابي أتى النبي عليه الصلاة والسلام مع ولده. Et on tire ici qu'il convient aux musulmans, lorsqu'il va dans des assises, que ce soit des assises de science ou de rappel, ou dans des endroits où il y a des gens pieux qui craignent Allah, où il y a le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il vienne avec son fils et qu'il vienne avec son enfant. لأن هذا تربية الله, afin que son enfant s'éduque et prenne l'habitude de voir les bons endroits et de voir les bonnes choses. Et c'est pour ça que ce compagnon est venu avec son fils. Il est venu avec son fils voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il dit que فَأُرِيْتُهُ. Et ici, il y a une erreur dans la traduction. Car dans la traduction, on nous dit je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wasallam que je montrais à mon fils avec moi. Ce n'est pas ça qu'il a dit le compagnon. Le compagnon a dit qu'il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son fils et on lui a montré le prophète. C'est-à-dire, on va plutôt dire, je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on m'a montré avec mon fils, avec moi. C'est ça la bonne traduction. Donc, ici, il nous explique qu'on lui a montré car il ne savait, il ne l'avait pas encore vu. Il ne l'avait pas encore vu et les compagnons lui ont dit c'est lui. Et quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dès qu'il l'a vu, il a dit Hada Nabiyullah. Il dit voilà le prophète d'Allah. Donc ici il est content. Il est content pour la première fois, il va le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et va venir la partie du hadith qui concerne ce chapitre. Ya'ti huna mahallu shahid. Il nous dit, certains de, ils portent deux vêtements verts, alayhi salatu wassalam. Certains de ses cheveux commencent à blanchir, et ceux-ci sont roux, alayhi salatu wassalam. Donc voilà la partie du hadith pour laquelle l'imam Tirmidhi a cité ce hadith dans ce chapitre qui concerne les poils blancs du prophète alayhi salatu wassalam. Car quand Abu Rimtha radiallahu anhu a vu pour la première fois le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a vu vêtu d'un habit vert, et Cheikh Abdelrazzaq hafidhahullah al-Abbad dit dans l'explication de ce hadith que son vêtement n'était pas forcément totalement vert. Il se peut qu'il était mélangé à une autre couleur. Et quand il l'a vu, alayhi salatu wassalam, il a vu qu'il avait des cheveux blancs. قَدْ عَلَاهُ الشَّيْءٍ. Il a eu des cheveux blancs, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit وَالشَّيْبُهُ أَحْمَرْ. Et ses cheveux blancs viraient vers le rouge. Viraient vers le rouge. Certains disent car il les avait teints. Et d'autres disent non, c'est parce qu'il mettait la pommade. Et d'autres disent c'est parce qu'il mettait le parfum sur ses poils blancs. Et ça, on va le voir incessamment sous peu, Incha'Allah ta'ala. Le dernier hadith de ce chapitre, عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. ici سماك بن حرب, c'est un tabi'i, un très grand tabi'i, demande à Anas ibn Malik, à Jabir ibn Samura, qui est un compagnon, radiyallahu anhu, s'il y avait des cheveux blancs sur la tête du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, il n'y avait sur la tête du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que quelques cheveux blancs au niveau de la raie au milieu. Mafriq al-ras. والمقصود من مفرق الرأس أي وسط الرأس هذا هو مفرق الرأس. Ce qui est voulu par le mafriq, c'est le milieu de la tête. C'est pour ça qu'ici on a, ça a été traduit par au niveau de la raie au milieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit maintenant où étaient ses poils blancs sur sa tête. On sait qu'il a eu des poils blancs sur l'anfaqa, entre la lèvre inférieure et le menton, sur les tempes, et maintenant sur la tête, particulièrement au milieu de sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon nous dit qu'il n'avait que quelques cheveux blancs au milieu de sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici voici ce qui a été cité par l'imam Tirmidhi rahimahullah concernant les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن هنا نكون قد انهينا هذا الباب. Et nous avons terminé ce chapitre. باب شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et nous allons entamer le sixième chapitre بإذن الله تعالى. Le sixième chapitre, الباب السادس, باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله alayhi wa sallam. Le sixième chapitre, c'est le chapitre concernant la teinture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La teinture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre dans le chapitre suivant? On vient d'apprendre qu'il ne se teignait pas les cheveux, alayhi salatu wa sallam. Et ici, on a un chapitre sur la teinture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maqsoud al-imam al-allama Tirmidhi rahimahullah min hadha al-bab bayan khilaf al-sahaba fi hadha. L'imam Tirmidhi rahimahullah a cité ce chapitre pour nous montrer la divergence des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la question: est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait les cheveux ou non, alayhi salatu والسلام. فهي مسألة عند الصحابة. C'est une question de divergence chez les compagnons. أشار الإمام ابن القيم رحمه الله. L'imam ibn al-Qayyim dans son livre زاد المعاد, يعني هو كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام, un de ses livres, les provisions du retour. C'est un livre dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains passages de ce livre, il nous décrit le prophète alayhi salatu wassalam, et dans un passage il nous dit que les compagnons radiyallahu anhum ikhtalafu fi khidab rasulillah ay fi taghyiri lawni sha'rihi ila ghayr al-abyad ila lawn akhar. Les compagnons ont divergé sur la teinture du prophète sallallahu alayhi wasallam. Anas ibn Malik كان يرى انه لم يخضب ولم يختضب. Anas ibn Malik disait que le prophète ne se teignait pas les cheveux alayhi salatu wassalam. Wa min as-sahaba man kana yara annahu ikhtadaba alayhi salatu wassalam. Et certains parmi les compagnons voyaient que le prophète alayhi salatu wassalam se teignait les cheveux. Wa minhum Umm Salama radiyallahu anha, as-sahabiyyah al-jalila. Et parmi les compagnons, la femme Umm Salama radiyallahu anha. ومنهم من حمل ذلك على الدهن. Et d'autres ont dit non, il ne se teignait pas, mais il se pommadait. Et quand il se pommadait et qu'il passait un produit huileux sur ses poils, on voyait plus la blancheur de ses quelques poils blancs, et certains pensaient qu'il se teignait, mais il ne se teignait pas. Et c'est ce que dit le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Le premier hadith de ce chapitre, الحديث الأول في هذا الباب وهو عن أبي رمثة كذلك rapporté par le même compagnon أبو رمثة. Il dit أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي. Il dit qu'il a été voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Je me rendis avec mon fils auprès du messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. فقال ابنك هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est ton fils? Donc il l'interroge. Et le compagnon lui dit, na'am ashhadu bihi. Et na'am huwa waladi huwa ibni wa ana ashhadu ala dhalik. Il dit, oui, c'est mon fils et je témoigne, j'en suis témoin. J'affirme avec mon témoignage que c'est bel et bien mon fils. Qala alayhi salatu wa sallam, la yajni alayk. ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu n'es point tenu de réparer le crime qu'il pourrait commettre et il n'est point tenu de réparer le tien. يعني إذا حصلت منه دناية ظلم إثم فلا تحمل وزرة وإن حصلت منك دناية ظلم إثم فلا يحمل وزرك. معنى هذا الكلام لا تزر وازرة وزر أخرى. معنى هذا الكلام الوالد لا يحمل ذنب الولد والولد لا يحمل ذنب الوالد. فلماذا قال له هذا الكلام؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون هذا. البروفيسور صلى الله عليه وسلم lui dit, tu n'es point tenu de réparer le crime qu'il pourrait commettre. Il n'est point tenu de réparer le tien. C'est-à-dire, tu n'es pas responsable de ses péchés et il n'est pas responsable des tiens. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça à ses compagnons Abu Rimtha? Parce que le peuple de Quraysh vivait dans une ignorance telle avant l'islam que certains parmi eux croyaient que lorsque le père commettait une injustice ou un péché, on devait punir le fils et l'inverse. C'est la raison pour laquelle quand le fils tuait quelqu'un, on tuait le père. Ou quand le père tuait quelqu'un, on tuait le fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam arada an yulghiya hadha al-i'tiqad al-fasid al-batil. Faqala lahu la yajni alayk wa la tajni alayk la taziru waziratun wizra ukhra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu n'es pas responsable de son crime, il n'est pas responsable du tien. Donc, يعلمه, il lui enseigne. فهذا الصحابي أول مرة يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. Ce compagnon, c'est la première fois qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقد يكون لا يعلم هذا الحكم. Il se peut qu'étant donné qu'il n'avait pas encore vu le prophète عليه الصلاة والسلام, qu'il ignore cette chose-là. Qu'il ignore qu'avec l'islam, ce jugement a changé. Et que maintenant, plus personne n'est responsable du péché de l'autre. La raison pour laquelle At-Tirmidhi rahimahullah a cité ce hadith dans ce chapitre, c'est qu'il a dit à la fin, wa ra'aytu shayban ahmar. Il dit, et donc il dit, je vis alors ses cheveux blancs comme roux. Il vit que les cheveux blancs du prophète sallallahu alayhi wa sallam viraient vers le roux. Il virait vers le roux. Et l'imam Tirmidhi rahimahullah rapporte ce hadith dans ce chapitre parce qu'ici on nous parle de la teinture. Et on est en train de chercher à savoir est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se teignait les cheveux ou non. Et on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, et on va continuer samedi prochain après العصر بإذن الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصبركم وحضوركم والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك